天的魅力演奏厅就到这里，感谢您的收听。 快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。 据录音，由萨伊吉·奥扎瓦指挥波士顿交响乐团演出。欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏柏辽兹的歌剧《浮士德的沉沦》全剧录音，由萨伊吉·奥扎瓦指挥波士顿交响乐团演出。 Thank you. Thank you. Hélas, du chant du ciel, pourquoi dans sa poussière réveiller le maudit hymne de la prière? Pourquoi soudain venir y brûler mon dessein? Poussières encore rafraîchissent mon sein. Yeah. diable a poisonné ce temps dehors aussi triste, aussi misérable que s'il est de l'amour au port. Il courait devant et derrière, il grattait, il frémontait, parcourait la maison entière, la rage à ses visages jouait, enfin que l'aspect du délire qui consumait ses vins et forts, les mauvais. Mais en souvenir sera ta bien d'amour au port. Dans le fourneau, le pauvre sire crut pourtant se cacher très bien. Mais sur ce trompé, le pire, c'est quand le fire au pire enfin, en servant de méchante fille, de son malheur, il vient alors. Ah, c'est elle, comme il prie, il a vraiment l'amour au point. Docteur, la bestialité dans toute sa cordeur. Thank you. malattia, c'è sempre sulla gente, come sa propria figlia, il bravo vale me. E di suore la sire, a suo tagliore, a giure, mi si prodra a masire, pur una vita cura. Et Dieu se vit paré, d'or de velours de soie et de croix décorée. Il vaut mieux nous propasse ses frères et ses sœurs, qui par ordre du prince, avant un grand seigneur. tutta viene mia. A tua sola sedile tresor. Desidio, voici la joyeuse corte qui va passer devant sa porte. Parmi ces jeunes fous, au bruit de leur chanson, ta beauté nous parvient trop. Mais quand tient tes transports, et suis bien mes leçons.